agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. La tentation qui s'offre aux États d'en régimenter la science, d'en régimenter les savants. Et cela va aujourd'hui jusqu'à acheter les services de savants mercenaires étrangers. C'est un des plus graves dangers que la recherche, qui vit de liberté, ait jamais connu. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La récente conférence mondiale sur le climat, la COP21, qui s'est tenue à Paris, a été conduite par des diplomates et des ministres, mais en inévitable proximité avec le monde des scientifiques concernés. Et la manière dont le dialogue a pris forme entre les uns et les autres, la manière dont leur coopération s'est organisée, soulève des questions qui sont pour la civilisation de grande portée civique et morale, et qui certainement ne sont pas neuves. Les relations entre la science et la politique, tel sera donc le thème de l'émission de ce matin sous l'éclairage de l'histoire. Ce sont les politiques, en définitive, qui gèrent dans la paix comme dans la guerre les retombées de la science. Mais on se tromperait à croire qu'il s'agit d'un mouvement univoque de la science vers la politique, entre le dynamisme de l'une et le pragmatisme des seconds. Car la science dépend pour beaucoup des moyens matériels et humains que les États concèdent à ses développements, et plus largement elle est influencée par ce qu'en chaque conjoncture, que celle-ci soit paisible ou tumultueuse, la société manifeste qu'elle attend d'elle. Sans compter que la frontière n'est pas étanche entre les itinéraires des savants et ceux des dirigeants. Les savants ont été nombreux dans la suite des temps à intervenir dans le forum. Soit qu'ils aient pris la parole parmi les controverses et les affrontements, parfois à bonne distance de leurs propres compétences, soit même qu'ils aient franchi la barrière séparant les deux univers pour briguer des fonctions publiques dont leur prestige, acquis ailleurs, leur facilitait l'accès. Amy Dahan, historienne des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS, a travaillé et publié de longue main sur ces questions. Dans ce champ, son autorité est grande. La voici donc devant moi. Et pour commencer, nous allons entendre Albert Einstein en juillet 1946. I believe nothing else can. Just as we use our reason to build a dam to hold a river in check, we must now build institutions to restrain the fears and suspicions and greeds which move people and their rulers. They must have authority over atomic bombs. De même que nous nous servons de notre raison pour construire un barrage afin de contrôler le cours d'un fleuve, de même nous devons aujourd'hui construire des institutions qui contrôleraient la peur, la méfiance, l'avidité qui pousse les peuples et leurs chefs d'État. Elles doivent avoir autorité pour contrôler la bombe atomique et autres armes de guerre et le pouvoir de faire respecter cette autorité. Oui, il est difficile d'obtenir cela. Mais nous ne devons pas oublier que si la partie animale de la nature humaine est notre ennemi, celle qui pense est notre ami. Nous ne devons pas attendre 1 million d'années pour nous servir de notre faculté de raisonner. Nous pouvons et nous devons nous en servir maintenant. Sinon, la société humaine disparaîtra peut-être à jamais dans un nouvel âge d'obscurantisme plus sombre et plus terrible encore. Amy Dahan, bonjour. Bonjour. Il m'a paru opportun de commencer notre conversation avec cette citation d'Albert Einstein, parce que parmi les grands savants qui ont marqué le 19e siècle, il est l'un de ceux qui ont posé le plus clairement la question des relations entre les responsabilités des scientifiques et celles des politiques. Oui, Einstein, c'est la conscience du XXe siècle. Depuis le début du siècle, il est devenu une très grande figure de la responsabilité morale des scientifiques. Et quand les physiciens ont, comme a dit Oppenheimer, connu le péché, c'est-à-dire participer à la construction de la bombe atomique, alors que certains d'entre eux avaient attiré l'attention du président américain, ont accepté finalement les lancements au Japon en fin 45. Nous verrons ça, c'est au centre évidemment de notre conversation. Voilà, il a appelé à la responsabilité, il a participé au mouvement des physiciens dans les années 50 d'organisation pour appeler à la prise en main mondiale du contrôle de cette terrible arme. Et aujourd'hui, et c'est en cela que sa déclaration est prémonitoire, on voit que d'autres risques que le nucléaire sont apparus, certains très importants. Bien sûr, on aura l'occasion de parler du climat, puisque vous avez commencé par cela, mais il y a d'autres risques qui s'accumulent et pour lesquels les scientifiques sont constamment sollicités et doivent aussi s'organiser pour répondre aux demandes des politiques, mais aussi pour alerter les sociétés civiles ou les profanes sur les conséquences. Eh bien voilà exactement le principe, le sommaire de notre émission. Ami Dahan, on pourrait d'ailleurs ajouter qu'il y a une correspondance impressionnante entre Freud et Einstein dans les années 30 à propos de la guerre de 1914-18 et de la capacité que l'humanité aura à dépasser éventuellement cette tendance éternelle à s'affronter à elle-même. Cette idée a commencé avec la Première Guerre mondiale et la conscience que les armes chimiques qui ont été utilisées massivement au cours de ce premier conflit, la menace dont ils sont porteurs et comment les scientifiques et l'humanité, beaucoup plus largement, va être capable de contrôler cela, de maîtriser cette dynamique suicidaire, qui peut être suicidaire. Je voudrais vous conduire pour commencer plus loin en arrière, vers une période où on a vu se poser très, très directement dans la conscience nationale la grande question des relations entre les savants et les politiques dans leur mutuelle responsabilité en face de la nation et éventuellement de l'humanité. Je veux dire la période de la grande révolution, de la révolution française. C'est le temps où le chimiste Fourcroy, membre du comité de salut public, pouvait déclarer juste après Thermidor, après la chute de Robespierre, « La guerre est devenue pour la République française une occasion heureuse de développer toute la puissance des arts, d'exercer le génie des savants et des artistes et de consacrer leur utilité par d'ingénieuses applications. Le comité de salut public a reconnu l'importance des sciences et la nécessité d'en recueillir soigneusement l'industrieuse activité. » Les pouvoirs politiques ont toujours été intéressés par les scientifiques et par leurs résultats, et ceci depuis bien avant la Révolution française. Depuis le XVIe ou le XVIIe siècle, tout le monde se battait pour avoir Léonard de Vinci dans les cours italiennes, y compris François Ier. Galilée aussi était d'une certaine façon à travailler pour la cour du prince de Toscane, le grand-duc, la cour pontificale. Tous ces savants recherchaient la protection et le lien avec les pouvoirs politiques. Ce qui est nouveau avec la fin du XVIIIe siècle en France, il va y avoir une relation nouvelle qui commence à se construire autour d'un certain nombre d'écoles, de savoirs, d'instructions. Toutes ces institutions-là sont issues d'un effort dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle de consolider, d'organiser des relations entre la science, les savoirs pratiques, militaire, très important, et ça c'est l'école du génie de Mézières, qui a été dirigée par Monge, mais auquel ont participé Carnot, par exemple, a été élève de cette école, Fourcroy aussi, et cette école a donné un peu un esprit qui sera justement relayé après la Révolution française. Dès 1666, l'Académie des sciences était très représentative de l'esprit utilitariste de l'œuvre de Colbert. Exactement. Et donc la continuité du 18e est claire et tout ça se cristallise effectivement après la prise de la Bastille, après le début de la Révolution française. Évidemment, quand la Révolution mobilise les savants face à l'invasion de tous les pays d'Europe et de tous les pouvoirs qui lui sont opposés, cette mobilisation des savants est absolument symbolique de cette relation entre science et politique que certains veulent instaurer durablement. Aux armes citoyens, notamment aux armes les savants. Exactement. Vous citiez d'ailleurs un grand homme que je trouve très, très représentatif, qui est Gaspard Monge. Monge est représentatif de ces carrières qui ont été à la fois très brillantes du côté des sciences et qui conduisent le personnage également dans la politique, puisqu'il a été le premier ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur au jour premier de la République, en septembre 1792. Et je crois que ce qui est important avec Monge, c'est ce carrefour entre le service de la science, le service de l'État et le projet de l'instruction et des écoles dont il va être porteur. Certains historiens ont parlé même de première figure en contexte démocratique de cette modernité qui va caractériser la relation entre science et État. Comme fondateur de l'école polytechnique, il est le fondateur de l'école polytechnique dont il va recueillir l'héritage qu'il avait développé à l'école du génie de Mézières, et il le fait avec cet esprit qu'aujourd'hui il faut élargir, former les cadres de la nation, et avec un certain nombre de choix intellectuels qui seront ensuite plus ou moins contestés ou discutés par d'autres savants, des choix de savoir pas seulement théoriques. Et de ce point de vue-là, c'est très important parce que cette tradition s'est un peu perdue. Et ces mathématiques, par exemple, dont il est le fondateur, la géométrie descriptive, la théorie des machines, qu'il met en avant aussi, ce sont des savoirs, des connaissances dont il pense qu'elles vont servir véritablement aussi à la défense de la nation, à l'organisation de la nouvelle nation après la Révolution. C'est le fondateur, vous le disiez, de l'école polytechnique, et donc cette institution prestigieuse a toujours eu le souci de lui rendre hommage à Gaspard Monge, son fondateur. Écoutez ce discours martial mais efficace du général Blanchard, directeur de l'école, une déclaration qui remonte au 24 janvier 1946, dans l'ambiance d'après-libération. Monge personnifia l'esprit démocratique qui fut toujours celui de l'école. À une époque où la naissance était le principal titre pour une carrière officielle, ce fils de rémouleur bourguignon sut s'imposer par ses seuls mérites. Un autre a dit qu'à 22 ans, étant professeur à l'école du génie de Mézières, il inventa la géométrie descriptive qu'il enseigna à Carnot et qui fait encore partie du programme de nos classes de taupes. Ses fils spirituels n'ont jamais oublié que leur ancêtre adopta d'enthousiasme les principes de 1789, mais qu'il chercha toujours à les faire servir à l'intérêt, voire au salut de la patrie. L'histoire montre qu'ils ont toujours suivi la trace de ce grand révolutionnaire, ils veulent rester fidèles à son exemple. Et à l'époque où nous sommes, où l'énergie et le dévouement de tous les citoyens sont requis pour la renaissance de la France, les polytechniciens ne veulent pas être inférieurs à leurs devanciers, à qui le comité de salut public demandait de voler au secours de la patrie en danger. Le meilleur hommage qui puisse être rendu aujourd'hui à Monge est de prouver que son école est restée digne de lui et que son œuvre, rajeunie et modernisée, se perpétuera dans l'esprit où il l'a conçue. Je ne vois de figure qui rappelle celle de Monge que, en allant chercher du côté du XXe siècle, celle de Paul Prudent Pinlevé, qui a été chef du gouvernement pendant la guerre de 14-18, oui. Et qui, je crois, est reconnu comme un savant de premier rang. Et les mathématiciens, d'ailleurs, en France, mais comme ailleurs, ont joué un rôle majeur dans cette relation entre science et politique, parce que les méthodes, les outils qu'ils développent, par une certaine ubiquité, ils peuvent s'appliquer dans des champs très différents, etc., une certaine abstraction, mais qui se concrétise. À la Première Guerre mondiale, vous avez cité Pinlevé, mais il y aura eu Borel, qui a joué aussi un rôle très important. Qui était ministre de la Marine sous la Troisième République. Exactement. Donc, les mathématiciens ont joué un rôle très très important en France, mais aussi aux États-Unis, alors que très souvent, on a porté l'accent uniquement sur les physiciens. J'ai envie de citer aussi, puisque nous évoquons les mathématiciens dans l'arène, le cas de Laurent Schwartz, qui a été un combattant pour la paix en Algérie. C'était le cousin de Michel Debré, Schwartz. Et puis du côté des victimes, évidemment, Audin. Maurice Audin, d'ailleurs l'élève de Schwartz. Qui a été tué par les parachutistes en Algérie. Restons un instant sur Monge, car je ne me priverai pas du plaisir de vous citer la circulaire que ce grand savant a envoyée au tout début de la République. Le jour 1 de l'an 1er de la République, il était ministre de l'Intérieur. Et il me semble que ce texte pourrait être affiché dans beaucoup d'administrations françaises. Écoutez-le. Citoyens fonctionnaires, la Convention vient d'abolir la royauté. Le peuple souverain exige de tous ses agents la plus grande probité et la morale la plus sévère. vous, citoyens, vous continuerez à maintenir l'ordre et la paix parmi les citoyens qui sont vos égaux, et que le bien du service et l'utilité commune vous ont subordonné. Vous les traiterez avec douceur et justice. Vous continuerez à me faire passer leurs réclamations. Vous entretiendrez avec moi des communications fraternelles, quoique officielles. Et nous n'oublierons point que c'est l'argent de la nation qui nous solde, que nous en faisons partie et que nous devons sans cesse travailler à sa gloire, à sa sûreté et à son bonheur. C'est impressionnant, non, Amilor? C'est admirable. Oui, c'est admirable. Alors avançons dans le temps, le Premier Empire, car on trouve là un homme, je veux dire Napoléon Bonaparte, extrêmement attaché à donner aux savants dans la cité une place majeure. Il en nomme un grand nombre au Sénat, par exemple. Et on est stupéfait de voir que 3 jours après son coup d'État, il va présenter à l'Institut, il était très fier d'être membre de l'Institut, un rapport sur un mémoire qui traitait, un mémoire de bio, c'était le nom de l'auteur du mémoire, un mémoire traitant des équations différentielles, 3 jours après le 18 Brumaire. Bonaparte était vraiment, on peut dire, fasciné par les sciences et en particulier les mathématiques. Il a donc souhaité être membre de l'Institut, vraiment. Il a été reconnu justement par Monge, par Carnot, et puis ensuite par Biot, et il a soutenu ces scientifiques. Quand, après, au début du 19e siècle, il y a eu la Société d'Arcueil, où il y avait Berthollet et Laplace, etc., il les a subventionnés, il les a aidés. Laplace a dédié un certain nombre de ses mémoires à l'empereur. À travers les différents moments de sa carrière, il a toujours été très proche des scientifiques, fasciné par eux et voulant être reconnu lui aussi comme scientifique. Ce qui est d'une certaine façon dérisoire de se dire que, alors qu'il avait des responsabilités, qu'il était engagé dans d'autres choses, eh bien, il voulait être reconnu et il voulait publier lui aussi des petits mémoires d'équations différentielles, etc. Et aussi, il faut citer la fameuse expédition d'Égypte, où il a emmené tous les savants avec lui, dont Monge, justement, Fourier, etc. Joseph Fourier, oui, mathématicien. Pour relever, faire des relevés de monuments, faire cet inventaire extraordinaire de ce qu'ils avaient découvert en Égypte, qui restera un patrimoine pour Champollion, pour la découverte des langues, etc. Et il est persuadé que la cité a besoin des savants. Il est en Pologne, en pleine campagne militaire, quand il prend le temps de dire qu'il va prendre en charge les dettes de Berthollet en 1807. Et je vois qu'il est en Russie, durant la campagne de Russie, on pense qu'il pourrait avoir d'autres sujets de préoccupation. Il écrit à Laplace son regret de n'avoir pas pu lire sa théorie analytique des probabilités. Et il est très content, dit-il, de voir ces nouveaux ouvrages qui perfectionnent et étendent cette première des sciences qui contribue à l'illustration de la nation. L'avancement et la perfection des mathématiques sont intimement liés à la prospérité de l'État. Quand on sait que la théorie analytique des probabilités de Laplace est d'une extraordinaire difficulté et profondeur, et donc on ne peut pas imaginer que Bonaparte puisse la lire et la maîtriser comme ça. C'est une déclaration, c'est pour montrer l'importance qu'il accorde aux savants et à leur production. Mais il ne faut pas le prendre à la lettre non plus. Même si c'est simplement une sorte d'hypocrisie respectueuse, c'est tout de même un très bel hommage. Oui. Avançons, parce que j'ai hâte d'en arriver au XXe siècle et aux effets de la guerre. Mais tout de même, un mot sur 1848. C'est un moment où les savants sont spécialement célébrés à Midun. Ils sont aussi, si on peut dire, à la manœuvre. Puisque Arago, par exemple, qui est un savant, est ministre, il joue un rôle, il s'adresse au peuple. À un moment où la science française, et paradoxalement, elle commence à être sinon en déclin, mais en recul. Elle a brillé dans toute l'Europe jusqu'en gros vers 1840. Et à partir de 1840, justement, le succès des institutions françaises est tel, l'école polytechnique, l'école normale, etc., qu'il va être copié par de nombreux pays. Et notamment en particulier la Prusse, l'Allemagne. Et donc, le centre de gravité scientifique du 19e siècle va se déplacer ailleurs qu'en France. Mais comment l'expliquer ? Je crois que d'une certaine façon, les scientifiques sont justement peut-être enfermés dans une certaine culture théorique, une incapacité à prendre en charge les nouveaux développements, et en particulier les questions de l'industrie, de la production. Tout ça va se passer en Allemagne. Il y aura un développement de la culture de laboratoire et de ses productions industrielles en Allemagne, pour la chimie, Liebig, etc. Alors qu'en France, l'absence d'université va peser. Vous savez qu'il n'y a qu'une université en France et qu'elle n'a pas la vitalité, l'ancrage, en tout cas dans ces années-là, que l'université allemande. Il y a une multitude d'universités, il y a une culture des séminaires, il y a une pratique de la recherche liée à l'industrie, liée à l'univers économique, qui mettra beaucoup de temps à s'installer en France. Disons, entre 1840 et le début du XXe siècle. Arrive la Grande Guerre, et naturellement une entrée spectaculaire dans le monde, dans les combats, dans les affrontements des savants. C'est Paul Panvé que nous avons déjà cité, président du Conseil, en 1917 notamment. La guerre, à mesure qu'elle se prolonge, présente de plus en plus le caractère d'une lutte des sciences et des machines. C'est effectivement la première grande guerre dite industrielle, donc celle aussi des savants. Intrusion donc de la science dans la guerre, c'est toute la question notamment des armes chimiques par exemple. Ça c'est très important. Il faut aussi dire que le nationalisme, tant en France qu'en Allemagne, qui a caractérisé la Première Guerre mondiale, a divisé les savants. Certains ont fait preuve aussi d'un extrême nationalisme. L'internationalisation qui était en marche de la communauté scientifique a connu des moments d'arrêt très importants pendant cette Première Guerre mondiale. Mais en même temps, juste après, à la fin, la prise de conscience du rôle, en particulier des armes chimiques, a été comme un électrochoc dans la communauté scientifique. Là, vous citez Panvé, mais ça a été assez largement partagé, de se dire il y a une responsabilité des scientifiques. La science est porteuse de dynamiques extrêmement nocives et suicidaires pour l'humanité, donc il faut absolument contrôler ça. Écoutez à ce propos cet entretien avec le professeur André Maillère, qui avait été professeur au Collège de France, qui avait été directement mêlé aux recherches des chimistes autour de la question des gaz paralysants, invalidants, etc. Il s'exprime dans l'émission qui s'appelait « Les voyageurs du demi-siècle » qui était consacrée à ce sujet, diffusée le 22 avril 1950. La guerre chimique a donc posé des problèmes d'un caractère nouveau. Ces problèmes n'ont cessé de se poser depuis. Et en fait, ils sont parmi les plus importants de ceux que doit affronter le XXe siècle. Avant 1914, les états-majors avaient fait le plan de guerre de courte durée, menée au moyen d'armes préparées auparavant. La guerre de 14 a été une guerre longue, donnant le temps d'utiliser toutes les ressources de la science et de la technique pour inventer, pour mettre sur pied des formes nouvelles de combat. La guerre est ainsi devenue autant une guerre de savants qu'une guerre de soldats. Elle a démontré qu'un pays sans laboratoire est un pays désarmé. C'est ce qu'ont compris les savants dès la première année de la guerre de 1914. En particulier, c'est ce qu'a saisi Paul Panvé. Il a préconisé et obtenu la création d'un organisme nouveau, spécial, d'une direction des inventions, et il a réuni autour de lui dans cet organisme quelques-uns des savants les plus éminents, pour ne parler que des morts, Paul Langevin et Jean Perrin, par exemple. Ils ont mis leur savoir au service du pays. D'abord, pour essayer de répondre aux questions que leur posaient ceux qui dirigeaient la nation en guerre, mais aussi pour suggérer des initiatives neuves. Il semble donc que l'action des services scientifiques ait été un des caractères frappants de la guerre de 14. À coup sûr, et je dois dire qu'ils nous ont brusquement éclairés sur un problème de la plus haute portée, celui de l'utilisation des conquêtes de la science et de la technique. Nos pères avaient surtout pensé au rôle bienfaisant de la science. Nous avons été confrontés au fait que d'un même laboratoire peuvent sortir des médicaments ou des poisons. La science est un instrument, le plus efficace instrument, de puissance pour le bien comme pour le mal. Une des conséquences de ce fait est le terrible problème moral que la guerre pose ainsi aux savants. Une autre conséquence est la tentation qui s'offre aux États d'en régimenter la science, d'en régimenter les savants. Et cela va aujourd'hui jusqu'à acheter les services de savants mercenaires étrangers. C'est un des plus graves dangers que la recherche, qui vit de liberté, ait jamais connu. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Nous nous trouvons là, Midin, au centre de la question que nous traitons ce matin dans cette émission, c'est-à-dire les relations entre les savants et les politiques, bienfaisance ou malfaisance de la guerre. Je relève qu'un historien, là c'est une science molle, n'est-ce pas, un historien fameux, Jules Isaac, l'auteur des célèbres manuels Mallet et Isaac, écrivait juste après la guerre, « Si la guerre a tourné à la catastrophe, c'est à la science qu'il faut s'en prendre, et à elle seule. » Par elle, la capacité homicide et destructive de la guerre s'est trouvée centuplée. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et après la fabrication de la bombe atomique, mais pas seulement, il y a eu beaucoup d'autres choses que la bombe atomique durant la Deuxième Guerre qui dépendaient de la science. Toutes les recherches sur les radars, la défense anti-aérienne, la théorie des explosions dans l'eau, parce qu'il y avait toute la guerre entre les sous-marins, etc. La science va changer de statut dans les États, et particulièrement aux États-Unis. Ça devient un instrument, si vous voulez, de domination, de puissance militaire, certes, mais aussi économique, sociale. Enfin, la science, là, est au cœur de l'État moderne. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça confère, bien sûr, un certain nombre de responsabilités aux scientifiques. Et ce n'est pas simplement des problèmes éthiques. C'est aussi des problèmes d'orientation des recherches, d'utilité sociale ou pas, sans parler de la question destructrice en tant que telle. Une véritable culture de guerre s'est emparée des domaines scientifiques. On s'est mis à penser, y compris les concepts de scientifiques, la théorie des jeux par exemple, qui était une théorie inventée à la fin des années 30 et le premier grand ouvrage de von Neumann et Morgenstern, c'est en 43. Mais justement, c'est une théorie en principe pour l'économie et les comportements humains, mais elle a une ontologie qui est directement dictée par la question de l'ennemi. Ça va s'appliquer en psychologie sociale, ça va s'appliquer aussi dans des tas de domaines, y compris de mathématiques, où véritablement, on a une ontologie d'ennemi, comme l'a dit Peter Galison, l'historien des sciences, qui est à l'œuvre dans de nombreuses disciplines scientifiques. Et là, on n'est pas sorti avant peut-être la fin du siècle, la fin du XXe siècle, quand les choses vont rebasculer avec l'inquiétude environnementale et les doutes vis-à-vis de cette période, mais les doutes profonds. Parce que entre 1950 et 1970, il y aura aux États-Unis des doutes croissants, un mouvement même qui s'organise contre l'atome. Quelque chose qui inquiète, et les scientifiques eux-mêmes, une partie des physiciens, va rejoindre ce mouvement-là. Mais de façon générale, les scientifiques ont trouvé trop d'avantages à ce rôle, cette proximité avec le pouvoir, évidemment l'argent dont on les inonde, mais pas seulement l'argent au sens matériel, les bourses, les laboratoires qu'on finance, etc. La considération sociale. La considération sociale, qui flatte exactement. Les narcissismes. La proximité avec les milieux très haut placés. Ça sera très difficile de changer cela. Une partie des scientifiques va vouloir se retirer, mais ça ne sera pas le cas général, loin de là. Il y a une tension à partir de ce moment-là très forte. Il y a la fameuse lettre d'Einstein à Roosevelt du 2 août 1939, tout début de la guerre en Europe, en attendant que les États-Unis y entrent à leur tour, qui à cet égard est tout à fait significative, où il met en garde avec Szilard, qui explique que les implications militaires de la fission nucléaire sont formidablement ambivalentes. Il peut y avoir des intérêts patriotiques à s'en mêler, et notamment pour empêcher que l'adversaire potentiel, c'est-à-dire le monde nazi s'en serve contre les démocraties, et qu'en même temps c'est très périlleux. Einstein conclut qu'il serait désirable que l'administration ait un contact permanent avec l'équipe de physiciens qui travaille sur les réactions en chaîne en Amérique. Une manière possible de réaliser cela serait de donner mission à une personne qui a votre confiance et qui pourrait peut-être jouer ce rôle à titre officieux. Il paraît que l'Allemagne a actuellement mis fin à la vente d'uranium des mines tchèques qu'elle a annexées. Inquiétude, prenez garde, protégez les démocraties. Et c'est le même homme qui s'est inquiété plus tard, à ce moment-là, et plus tard encore, plus fortement. Einstein est très représentatif à cet égard, c'est pourquoi je l'ai donné à entendre au début de notre émission, qui en même temps s'est inquiété douloureusement du péril pour l'humanité entière de ses inventions à ses yeux diaboliques. chaque fois d'ailleurs c'est avec Szilard, parce que Szilard a été un des premiers physiciens à pressentir que les Allemands étaient en position de préparer la bombe. Ils avaient réussi une première expérience en Allemagne. Et donc il a alerté au début de la guerre, cette lettre que vous venez de citer. Plus tard, en juillet 45, quand il y a les premiers essais expérimentaux d'explosion nucléaire, il s'adresse au président avec Einstein et d'autres pour lui dire « Ne lancez pas la bombe, réellement, il faut prévenir le Japon d'abord, avoir un protocole. » Et cette lettre n'arrivera jamais finalement à Truman. Et je crois que de façon générale, maintenant, on sait que Truman voulait lancer la bombe. C'était aussi une sorte d'avertissement pour l'Union soviétique qui deviendra le véritable ennemi des États-Unis pendant les 15 à 20 ans suivants. Parce que c'est la fin de la guerre, mais c'est la guerre froide qui est assez chaude, hein, avec la guerre de Corée, avec des tas de choses qui se passent. Et là, il fallait montrer très rapidement aux Russes qu'est-ce qu'on avait comme arme. Les mêmes savants qui avaient appelé Roosevelt à prendre garde à la bombe nucléaire chez l'adversaire, et par conséquent avancer dans cette direction, commencent de proposer ce qui sera la dissuasion, c'est-à-dire avoir la bombe pour ne pas s'en servir. Oui. Il suffit d'inquiéter le Japon et il acceptera la paix. Ce n'est d'ailleurs pas évident, mais c'est probable. En tout cas, la seconde bombe, après Hiroshima, celle de Nagasaki, est apparue à beaucoup comme inutile. Inutile, absolument. Il n'y a pas que le domaine nucléaire, Amida. Dans d'autres secteurs, les savants se mettent au service du patriotisme et de la défense des démocraties. En 14-18, les chimistes ont un rôle essentiel. Les physiciens, avec les débuts de l'ère nucléaire en particulier, et les mathématiciens. Je vous propose un extrait du film Imitation Game de Morten Tildum, qui est sorti en 2014, c'est très récent, et qui évoque la personnalité de Turing. Voyez ce remarquable entretien d'embauche. Monsieur... Commandant Denniston, Royal Navy. Très bien, monsieur Turing, je me lance. Pourquoi souhaitez-vous travailler pour le gouvernement de Sa Majesté ? Oh, je ne le souhaite pas. Êtes-vous un de ces maudits pacifistes ? Je suis agnostique concernant la violence. Vous êtes tout de même conscient qu'à un millier de kilomètres de Londres sévit un sale petit bonhomme du nom d'Hitler qui veut engloutir et asservir toute l'Europe. La politique n'est pas vraiment mon domaine de compétence. Ah. Je crois que vous venez de battre le record de l'entretien d'embauche le plus court de l'histoire de l'armée britannique. Oui. Mère dit que je peux être rebutant de temps à autre du fait que je suis un des meilleurs mathématiciens du monde. Du monde ? Oh oui. Savez-vous combien de personnes j'ai écartées pour ce programme ? Non. Non, c'est normal, puisqu'il s'agit d'un programme top secret. Mais je peux vous dire, puisque nous sommes de grands amis, que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai écarté l'un des plus éminents linguistes de ce pays. Il connaît l'allemand mieux que Bertolt Brecht. Je ne parle pas allemand. Pardon ? Je ne parle pas allemand. Comment êtes-vous supposé décoder les messages cryptés qu'échangent les Allemands si vous ne parlez pas allemand ? Je suis exceptionnellement doué pour les mots croisés. Margaret ! Les codes des Allemands sont des espèces de jeux, des casse-têtes, ni plus ni moins. Margaret, et pour les casse-têtes, je suis très fort. Pour les jeux. Et là, c'est un jeu. Simplement, c'est le plus compliqué du monde. Margaret ! Oh non, pour l'amour du ciel. Vous devez plaisanter, forcément. J'ai peur de ne pas savoir ce que ça veut dire, commandant Denniston. Je vous souhaite un bon voyage de retour à Cambridge, professeur. Enigma. Vous m'avez appelé ? C'est ça que vous faites ici. C'est ça le programme top secret de Bletchley. Vous essayez de déchiffrer les codes de la machine Enigma des Allemands. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire, et les Allemands l'utilisent pour communiquer au plus haut niveau. Si les Alliés arrivent à casser Enigma, eh bien... vous n'aurez fait qu'une toute petite guerre. Bien sûr, c'est là-dessus que vous travaillez. Mais vous n'arrivez à rien. Sinon, vous n'iriez pas chercher des cryptographes parmi les universitaires. Vous avez besoin de moi plus que je n'ai besoin de vous. J'aime résoudre des problèmes, commandant. Et Enigma est le problème le plus difficile qui soit. C'est Benedict Cumberbatch qui interprétait le personnage de Turing avec, en version française, Stéphane Roux. C'est un très bon film. Je crois que beaucoup des mathématiciens qui ont travailler avec les politiques au moment de la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas le caractère de Turing. Voulait travailler avec eux. Je pense à von Neumann, qui est devenu très proche de Truman. La dynamique des explosions a coopéré sur la mise au point du premier ordinateur ayant l'architecture actuelle. Comme application de ce programme d'ordinateur, le contrôle de la météorologie. Est-il possible de contrôler le climat ou de provoquer des événements météorologiques souhaitables dans une guerre en particulier? Donc là, il y avait quand même une conscience très importante chez von Neumann, qui est sans doute un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, effectivement. Avec une opposition très frappante, très didactique pour nous, entre lui et Wiener. L'un étant américano-hongrois et très, très porté par un patriotisme américain. Et l'autre, au contraire, très méfiant, en disant qu'il ne publierait plus de travaux dangereux dans les mains de militaires irresponsables. Là, on a le résumé de la situation de la communauté scientifique aux États-Unis. Pendant la guerre, tout le monde a été uni contre Hitler, a accepté vraiment de travailler avec les politiques. À partir de 45-46, là, on a un clivage qui s'est affirmé entre ceux qui voulaient revenir à une vie scientifique à l'intérieur du monde académique et qui se méfiaient des politiques et des conséquences des choix scientifiques qui pouvaient conduire à des attitudes bellicistes, et ceux qui, non, étaient soit très patriotes américains comme von Neumann, mais aussi d'autres qui, tout simplement, n'ont pas souhaité revenir à la position antérieure, avaient goûté, si vous voulez, à cette proximité avec le pouvoir, et puis à ce nouveau statut social qui leur était conféré. Cette opposition est vraiment centrale dans cette réflexion que nous développons ce matin sur les rapports entre savants et politiques. Il y a le cas de Oppenheimer. Il faut rappeler ce qu'a été peut-être le projet Manhattan et ses suites. Donc le projet Manhattan, ça a été, à partir de la fin 1942, l'idée qu'on devait construire une bombe atomique aux États-Unis, étant donné que les Allemands eux-mêmes étaient sans doute capables de le faire, et c'était une course de vitesse. Et il faut aussi rappeler que les États-Unis avaient accueilli un très grand nombre de scientifiques à partir de 1933 d'Allemagne ou d'Europe centrale et orientale, beaucoup de Juifs qui avaient fui la montée de l'hitlérisme et qui étaient de très très grands scientifiques. Par exemple, Enrico Fermi, qui était à Chicago, a été un des premiers aussi à travailler sur la dynamique de l'explosion nucléaire. Italien. Un physicien italien. Et en fuite de fascisme. Et donc, tous ces scientifiques ont été de façon tout à fait secrète et sous la direction du général américain Groves, exfiltrés, si vous voulez, à Los Alamos, dans le Nouveau-Mexique. Là, il va y avoir un laboratoire secret qui va essayer de parvenir dans une course de vitesse avec les Allemands à la mise au point de la bombe. Donc symbiose absolue à cette époque, évidemment, entre les politiques et absolument, les scientifiques. Absolument, sans aucune réticence. Cette mise au point qui est acquise en juillet 45 avec les expérimentations qui auront lieu dans les déserts du Nouveau-Mexique. Et à ce moment-là, ça ne fait peur à personne. Les gens y vont et ils vont y assister. On va appeler un certain public à y aller. Et cela donne les bombes nucléaires sur le Japon le 6 et le 9 août 1945. Ce qu'il faut dire à propos d'Oppenheimer, c'est qu'il était à Los Alamos. Et ensuite, il sera très marqué par ces explosions au Japon. Il dira justement « nous avons connu le péché ». Il voudra se retirer de ce mouvement vers le nucléaire. Il va regagner donc l'université de Berkeley. Et ensuite, il dira que dans les années de la fin des années 40, si vous voulez, dans les années suivantes, que toute une université libérale comme Berkeley, eh bien, tout le monde travaille avec l'argent des militaires américains dans des contrats, y compris pour le nucléaire, pour les armes. Et ça va lui poser des problèmes éthiques importants sur lesquels il sera d'ailleurs, au moment du macartisme, poursuivi et accusé et suspecté. Chacun ressent, en tout cas dans la communauté scientifique, qu'on ne pourra pas s'en tenir à des prudences nationales. Il va falloir en venir à un dialogue entre le monde de la science et les responsables internationaux, ceux de la communauté internationale, comme on commence de le dire, et avec la naissance de l'ONU en particulier. Politique, et savant, désormais, c'est à cette hauteur-là que le dialogue se dessine. Comme en témoigne d'ailleurs cette déclaration du biologiste britannique Julian Huxley à propos de la bombe atomique en 1945. Vous savez, c'est le frère de Aldous Huxley, le célèbre romancier, l'auteur du Meilleur des mondes en 1932. Écoutons Julian Huxley, 1945. Mais je crois que la leçon scientifique la plus importante de la guerre, c'est la bombe atomique. Unie dans une collaboration d'une étendue jamais vue jusqu'ici, des savants britanniques, américains, danois, français, des réfugiés allemands et italiens parvinrent à mettre au point une découverte entièrement nouvelle, et cela dans le délai très court de 4 à 5 ans. Ce qui a été fait pour la destruction et pour la guerre pourrait aussi être fait dans l'intérêt de la paix et du bien-être général. Comment ? Ah, ceci est une autre question. Ce qui importe, c'est que la chose est possible. En attendant, comme l'a déclaré en public l'un des principaux savants responsables de la découverte, il est évident que tout effort pour garder le secret de la bombe entre les mains d'une ou deux nations est voué à l'échec. Pour la simple raison que cela ne restera pas un secret. Dans très peu d'années, tout pays qui a atteint un niveau élevé scientifique et technique pourra élaborer les principes et leur application dans la construction pratique de telles bombes. Donc, la seule solution raisonnable, c'est de placer la fabrication et l'emploi des bombes atomiques sous un véritable contrôle international, et d'insister que chaque pays se soumette à une inspection pour empêcher la fabrication illicite. Que chaque pays accepte de se soumettre à une inspection. On est déjà dans la conférence sur l'Iran, toute récente. Accepter ou non, qu'on vienne vérifier, et puis ce sera dans d'autres pays auparavant. La question de conférer à des instances internationales ou des agences des responsabilités dans le développement de la science ou bien dans les directions que pourraient prendre les recherches scientifiques, ça, finalement, ça s'impose très très lentement. C'est très difficile. Vous savez, les États-Unis ont été la puissance hégémonique pendant ces années-là, et ils voulaient absolument pas transférer à qui que ce soit d'autre la responsabilité de contrôler ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas. Et par exemple, on voit bien que les recherches spatiales, cette observation continue de la Terre de façon générale, qui commence avec le spatial, mais qui est importante aussi pour le nucléaire, parce que il faut surveiller si d'autres pays ne font pas des explosions, et ça commence aussi en surveillant ce que l'Union soviétique fait ou ne fait pas, ou alors éventuellement aujourd'hui la Corée, etc. Donc vous avez cette observation continue de la planète. Ça, c'est maintenant. On a une coopération scientifique internationale. Mais dans les années 50 à 70, il y avait quand même une puissance scientifique complètement dominante. C'était les États-Unis. Et elle avait du mal à transférer à qui que ce soit. Donc, effectivement, la question du combat autour du nucléaire et de la bombe atomique a été un des points de focalisation parce que il y a eu très vite un mouvement international de physiciens inquiets et soucieux qu'il y ait des instances qui soient créées pour contrôler. Finalement, l'agence surveillance atomique résulte de cette inquiétude, de cette volonté de maîtriser ce développement. Mais si on voit de façon plus générale, l'ONU a lancé un certain nombre de mouvements en collaboration avec quelque chose qu'on appelle l'ICSU, c'est-à-dire c'est l'international des scientific unions de tous les pays. C'est des unions scientifiques dans tous les pays, sous l'égide de l'ONU là aussi, et qui va se mettre à subventionner un certain nombre d'efforts et de comités, etc., de recherche sur les questions environnementales. Un des moments très importants, c'est l'année 1957, qui est l'année géophysique internationale, qui est finalement l'année de lancement de programmes de recherche tous azimuts sur les océans, la tectonique des plaques, l'Antarctique, enfin, etc. C'est-à-dire des programmes de recherche pour, à ce moment-là, l'environnement, c'est pas simplement un souci pour l'environnement tel que nous le voyons maintenant, mais c'est plutôt la maîtrise de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est quelque chose que l'on doit partout contrôler, surveiller, maîtriser. Et là, on est dans la ligne, d'ailleurs, du fameux rapport de Vannevar Bush, qui était le conseiller scientifique de Roosevelt et qui a obtenu de lui une lettre où il disait, en 1944, à l'automne, « Il n'y a aucune raison de penser que les leçons et pratiques tirées de la guerre ne puissent pas être utilisées avec profit en temps de paix. » Le rapport de Bush qui a suivi va exactement dans cette direction. Et c'est là que l'on rejoint les grands débats sur l'environnement aujourd'hui. Le rapport de Bush, en fait, il lance cette coopération nouvelle, dont on n'est jamais sorti, d'une coopération privilégiée entre la science et les politiques, entre la science et le pouvoir, bon, aux États-Unis avant tout. Hein. Et là, ils vont subventionner, mais massivement, les scientifiques à partir de ces années 45, après, dans l'après-guerre, et ça va durer. Et finalement, aux États-Unis, d'une certaine façon, ça ne s'est jamais arrêté. Avec ses composantes que sont les finances, l'argent qu'il s'agit Exactement. De rechercher, avec la croissance qui devient pendant ces années-là une fin en soi, avant qu'on remette tout ça en cause à partir des années 80, avec une culture de l'exploit technique aussi, et puis l'idée que la technologie est forcément un moyen de développement. Oui, la technologie est un moyen de développement. Bon, c'est l'aérospatial, c'est le spatial, c'est tout ça. Et bien sûr, le numérique après. Mais surtout aussi, ça provoque, si vous voulez, un déplacement, une transformation de la figure des scientifiques qui deviennent moins des savants au sens d'Einstein, justement, dont nous avons beaucoup parlé ici, ou même de Pavlov. Ces savants du début du siècle qui étaient un peu des savants philosophes, qui avaient un message du humanisme à transmettre au peuple. Là, maintenant, les savants américains, dans les années 60, ce sont des savants entrepreneurs qui ont énormément de puissance, des laboratoires très importants. C'est le règne de la big science qui se développe partout. Ils ont des armées de doctorants, de post-doctorants, etc. Ils gèrent des très grands programmes. Et ils sont heureux de cela. Ils en sont fiers. Quand on regarde la biographie, par exemple, d'un physicien de très, très, très grande valeur, évidemment, Richard Feynman, ça n'a rien à voir avec les livres que nous ont laissés Planck ou Einstein ou même Niels Bohr, qui sont des livres de réflexion philosophique sur la science. Tandis que Feynman ou bien d'autres, ils ont, voilà, c'est un très grand chef d'industrie et d'entreprise. En tant que savant, voilà, c'est un peu le message. Je suis puissant, j'ai changé d'université tout le temps, voilà quel est mon salaire. Et tout ça, c'est dans sa biographie. Et puis, il y a le tournant des années 1970, 80, c'est-à-dire la mise en cause précisément, souvent par les savants eux-mêmes, en face des politiques, des effets de ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire l'intervention de l'homme sur le destin de la planète. Il y a un tournant intéressant, c'est le fameux livre très fameux de Rachel Carson, Silent Spring, le printemps silencieux, qui remonte à 1962 et qui fait beaucoup de bruit, qui est un best-seller. Vous allez comprendre pourquoi en écoutant ce commentaire de Paul Ostaïa dans l'Heure de culture française le 18 décembre 1963. Printemps silencieux, voilà un titre à la fois poétique et d'une signification sinistre. Printemps silencieux, cela veut dire qu'à la saison qui devrait être celle de leurs amours, les oiseaux ne chantent plus parce qu'ils sont morts. Et cette mort des oiseaux, bien réelle, dans maintes campagnes américaines où leurs cadavres ont été vus par milliers, n'est que le symbole de désastres bien plus étendus qui ont touché tous les êtres, et jusqu'à l'homme lui-même, en commençant par les enfants. La cause de ces désastres réside dans l'emploi massif des insecticides de synthèse. Et à la vérité, le tableau que dresse Rachel Carson est à première vue peu croyable, tellement il révèle de légèreté, d'imprévoyance, et même de criminelle obstination, non seulement de la part des personnes et organismes privés, mais aussi de certains organismes officiels. On croit communément, parce que ces produits ont été baptisés insecticides, qu'ils n'agissent que sur les insectes. C'est là évidemment une grossière erreur. Et comme les insectes se montrent quelquefois réfractaires, on est conduit tous les jours à employer des insecticides encore plus puissants, dont la toxicité sur tous les animaux et sur l'homme est encore plus prononcée. L'un des plus redoutables est le parathion, qui lui aussi agit en bloquant une enzyme. Le parathion, en neutralisant cette enzyme, provoque les désordres nerveux les plus graves. Il semble que le parathion puisse être mortel à la dose d'un centigramme. Rachel Carson cite de nombreux cas de décès dus à cet insecticide parmi les personnes appelées à le fabriquer ou à s'en servir. Mais le plus grand danger ne provient pas de ce corps. car il se détruit de lui-même assez rapidement, contrairement au DDT et à tous les insecticides chlorés, dont l'emploi massif est encore plus répandu. Ce sont donc ces produits-là, ces produits chlorés, qui restent les plus nocifs, parce qu'ils se concentrent non seulement dans les plantes et les animaux, mais aussi dans le sol, où ils peuvent rester actifs pendant des années, de même que les composés arsénicaux. Cette archive amidan qui remonte à 53 ans, on pourrait, si on était distrait, avoir le sentiment qu'on l'écouterait aujourd'hui sur nos radios, moyennant l'évolution probablement de certaines dénominations techniques du danger. Rachel Carson, qui était biologiste, a obtenu que soit interdit le pesticide DDT aux États-Unis dès 1972. Et on voit s'esquisser là, ça se développe ensuite dans les années 80-90, un retour de beaucoup de scientifiques à une situation de mise en garde civique contre les périls de la science dont ils sont les porteurs et les incarnations. Oui, je crois que Rachel Carson et son livre, c'est un peu le premier signal de quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Lanceur d'alerte. Exactement, lanceur d'alerte, qui ont identifié de nouveaux risques, principalement des risques sanitaires et environnementaux. Ce sont les deux grands domaines qui sont concernés, qui cherchent à provoquer une prise de conscience de la régulation à propos de ces substances qu'on utilise, de ces médicaments qu'on met sur le marché, de ces produits phytosanitaires qui se répandent dans la nature, qui sont utilisés dans l'agriculture, etc. Quelques années plus tard, le fameux rapport du Club de Rome, 1972, et qui est exactement contemporain avec la première conférence de Stockholm sur les droits humains, qui est aussi de 1972. Cette année, c'est le basculement vers des préoccupations différentes, qui ne sont pas simplement sur des techniques extrêmement dangereuses, mais de façon beaucoup plus, enfin comme le nucléaire, mais de façon plus répandue, des techniques qui ont des impacts très importants du point de vue humain, santé et environnement. Et là, c'est l'engouement pour la science qui commence à être, sinon mis en doute, mais du moins interrogé, et ses limites. La dialectique de la crédibilité scientifique et de l'écoute des politiques, cette dialectique est de toujours, mais là, contrairement à ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, il semble que les propos des scientifiques, les positions qu'ils prennent, peut-être parce qu'elles sont souvent différentes les unes des autres, peuvent être mises en cause différemment par ceux qui sont responsables des pouvoirs publics. Ces risques que soulignent les scientifiques, logiquement, quand on les écoute, quand on veut suivre leurs avis, eh bien, doivent conduire à des limitations, des régulations économiques, etc. Or, nous sommes, il faut le savoir quand même, à partir de 1980, dans une époque en particulier aux États-Unis, là aussi, qui donne le la à l'échelle mondiale, eh bien, dans une vogue de dérégulation, et donc on a un choc, une contradiction là, où certains avis ne sont plus grata, si on peut dire, pour le pouvoir politique, qui s'y oppose, qui est réticent, etc. Par exemple, l'alerte sur le trou d'ozone dans l'atmosphère, et ça a conduit, relativement, d'ailleurs, assez rapidement dans le cas de l'ozone, à la suppression, ou la régulation dans un premier temps, et à terme la suppression totale, d'un certain nombre de produits fluorés, chlorés, qui étaient destructeurs de la couche d'ozone, dont les scientifiques ont montré qu'ils étaient destructeurs de la couche d'ozone. Le GIEC, c'est-à-dire le groupement d'experts internationaux sur l'évolution du climat, remonte à 1988, qui exactement permet de scander l'histoire. Exactement, et il a été un peu construit sur le modèle de cette question de l'ozone. Mais il y a une différence, au moins, ou peut-être deux différences majeures avec la situation des scientifiques en face des politiques pendant la guerre. C'est que pendant la guerre, on attend d'eux des réalisations très concrètes et des armes de destruction, éventuellement massives, qu'ils peuvent produire. C'est très concret, alors qu'aujourd'hui, il s'agit d'autre chose, puisqu'il s'agit de protéger contre des détériorations. Et puis pendant la guerre, on vit sur une temporalité assez brève. Tandis que celle dont il s'agit aujourd'hui est évidemment s'étale sur plusieurs décennies. Deux différences majeures du point de vue de cette question qui nous rassemble aujourd'hui à Midahan, c'est-à-dire les rapports entre scientifiques et politiques. il y a dans les deux cas une position d'expertise des scientifiques. Pendant le conflit mondial, la position d'expertise, elle va de soi, elle est complètement dominée par le pouvoir politique et les scientifiques l'acceptent. Dans les questions de risque et d'environnement et aujourd'hui de climat, évidemment, les scientifiques ont besoin d'une autonomie par rapport à la commande et par rapport au pouvoir politique pour faire valoir, surtout quand ils contestent un certain nombre de choix ou d'orientations prises par les politiques. Et cette autonomie, il faut toujours essayer de lutter pour la préserver, parce qu'elle ne va pas de soi, elle ne va pas de soi du tout. Et c'est exactement ce que l'on peut suivre quand on regarde l'évolution de la question du GIEC et du climat. Parce que jamais dans l'histoire, on peut dire qu'un problème global, parce que là, le climat, c'est quelque chose de global. Nous sommes dans la globalisation à tous les niveaux. Eh bien, jamais un problème global n'a été autant déterminé par des résultats scientifiques qui ne vont pas de soi, qui sont très difficiles à appréhender. On ne les éprouve pas chacun individuellement. C'est pas parce qu'il fait plus chaud ou moins chaud aujourd'hui qu'il y a la question de l'effet anthropique, de l'effet de serre. Il y a des questions de modèles, de moyennisation, de long terme. C'est pas du tout direct. Et donc, il faut faire, d'une certaine façon, confiance, il faut accepter l'expertise des scientifiques, etc. Et toute cette relation-là, entre les scientifiques et le politique, eh bien, elle est l'objet de controverses. Oui, parce que qu'il y a les intérêts aussi des nations, des États et des politiques qui n'acceptent pas le jugement scientifique comme allant de soi. D'autre part, les savants sont souvent en désaccord entre eux, ce qui, évidemment, affaiblit la position de leur communauté, si on peut parler d'une communauté, et puis n'ont pas les moyens de prouver à très court terme l'efficacité de leur démonstration, comme ce fut le cas, évidemment, pendant les guerres mondiales. Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas montrer la justesse, si on peut dire, des théories du changement climatique comme on fait une expérimentation nucléaire. Mais néanmoins, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y ait des controverses sur ce point dans la communauté scientifique concernée. Elles se sont effacées. Vous savez, c'est un problème qui est assez ancien. Il a été identifié par la communauté scientifique depuis les années, disons, 70, et puis 80, etc. Et à chaque fois, ça va dans le même sens. Donc, il y a eu des controverses, etc., sur des points. Mais très vite, les spécialistes sont allés vers des résultats qui n'ont pas tellement bougé. Par exemple, cette question des 2 degrés, etc., comme c'est dangereux, c'est quelque chose qui a été donné par un très grand climatologue en 79 dans des termes qui sont presque identiques à ceux d'aujourd'hui. Bien sûr, la science avance et il y a d'autres résultats qui s'approfondissent, mais quelques résultats de base restent établis depuis quand même pas mal d'années. Plus longtemps encore en arrière, puisqu'un chimiste suédois, Arrhenius, avait évoqué les effets du CO2 sur le climat en 1880. Mais je m'arrête, si vous le voulez bien, Amida, au seuil de cette évocation temporellement vertigineuse. Merci beaucoup. Vous avez publié avec Stéphane Aikut, vous trouverez ses références sur notre site avec d'autres, un livre qui s'appelle « Gouverner le climat ?» Point d'interrogation. On est là au cœur de notre problématique de ce matin. « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales » paru aux presses de Sciences Po il y a 2 ans, en 2014. Vous avez également dirigé en 2004, avec Dominique Pestre, un livre qui s'appelait « Les sciences pour la guerre, 1940-1960 » aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez collaboré également à Midahan au livre dirigé par Dominique Pestre, qui s'appelle « Histoire des sciences et des savoirs ». C'est un ouvrage impressionnant, 3 tomes. Il s'agit là du 3e tome, « Le siècle des technosciences », un ouvrage paru en 2015. Et vous pouvez aussi vous procurer le DVD du film « Imitation Game » que nous avons cité tout à l'heure. Samedi prochain, ce sera un peu paradoxal pour la radio, puisque nous allons parler, peut-être un peu bruyamment, en tout cas avec beaucoup de mots, nous allons parler du silence. Chut ! Une histoire du silence avec le grand historien Alain Corbin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le très précieux concours de Jeanne Guéroux, Nathalie Lempereur étant là aussi. Une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec à la prise de son Stéphane Poitdevin, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, je passerai le relais à Christine Ockrent pour Affaires étrangères.